Chapitre 10e. La signora Neroni, la comtesse de Courcy et Mrs. Proudie se rencontrent à Yolathorne. De nouvelles arrivées avaient lieu. Au moment où Eleanor atteignait le salon, on y roulait la signora. Elle avait été portée de la voiture dans la salle à manger, placée là sur un sofa, et entrée dans le salon avec l'aide de son frère et de sa sœur, de M. Arabin, et de deux domestiques en livrée. Elle était dans toute sa gloire, et paraissait si triste et si heureuse à la fois, si pleine d'affliction et de grâce, si belle, si digne de pitié, si charmante, qu'il était presque impossible de ne pas éprouver une vive satisfaction à la voir là. Miss Thorne, en la recevant, ne chercha pas à dissimuler cette satisfaction. La signora était la lionne du jour, et Miss Thorne aimait à voir chez elle les gens qui attiraient l'attention publique. La signora connaissait les moyens de plaire. À son entrée dans la salle à manger, elle avait murmuré à l'oreille de Miss Thorne, de sa plus douce voix, quelques paroles qui étaient allées au cœur de la bonne dame. « Oh, Miss Thorne !» dit-elle aussitôt qu'on l'eût placée devant une fenêtre, d'où elle pouvait voir tout ce qui se faisait sur la pelouse. « Combien je vous suis reconnaissante d'avoir permis à une pauvre femme dans l'état où je suis de venir ici. Mais si vous saviez le plaisir que vous me donnez, je suis sûre que vous me pardonneriez le dérangement que j'apporte avec moi. » Et en parlant ainsi, elle pressa dans sa main la main maigre et effilée de la vieille demoiselle. « Nous sommes charmés de vous voir ici, » dit Miss Thorne. « Vous ne nous causez aucun dérangement, et nous considérons votre venue comme une grande faveur, n'est-ce pas, Wilfred ?»« Oui, certes, une grande faveur, » dit M. Thorne avec un salut courtois, mais d'un ton un peu moins cordial que ne l'avait été celui de sa sœur. M. Thorne en savait peut-être plus long que sa sœur sur les antécédents de la signora, et il n'avait pas encore commencé à subir le charme de l'enchanteresse. Mais, tandis que la mère du dernier des Nérons brillait ainsi dans toute sa splendeur, entourée de gens qui la dévisageaient, ayant près d'elle l'élite des invités, sa gloire commença à s'éclipser par le fait de la venue de la comtesse de Courcy. Miss Thorne, qui l'attendait depuis 3 heures, ne cacha point sa satisfaction quand cette arrivée fut enfin annoncée. Elle et son frère allaient recevoir la grande dame, accompagnée, hélas, d'un bon nombre des admirateurs de la signora. « Oh, Monsieur Thorne, » dit la comtesse, en se débarrassant de ses fourrures pour mettre une écharpe de dentelle, « quelles affreuses routes vous avez !» M. Thorne avait la direction de l'entretien des routes dans le district. L'attaque le piqua au vif et il commença à défendre ses routes. « Oui, affreuse, » dit la comtesse, sans écouter ce qu'il disait. « N'est-ce pas, Margaretha ?»« Voyez plutôt, ma chère Miss Thorne, nous avons quitté Courcy Castle à 11 heures précises, n'est-ce pas, John, et... »« À 1 heure précise, voulez-vous dire ?» répondit l'honorable John, tournant le dos au groupe formé par les siens et les Thorne, et regardant la signora le lorgnon à l'œil. La signora lui rendit avec usure l'impertinence de son œillade. Et le jeune homme fut forcé de détourner la tête et de laisser tomber son lorgnon. « Dites donc, Thorne, qui diable est là sur le sofa ?»« La fille du docteur Stanhope, » dit M. Thorne à voix basse. « La signora Neroni, comme elle s'appelle elle-même. »« Psst, psst, » fit en sifflant l'honorable John. « Un démon femelle. J'en ai entendu raconter de fortes sur elle. Il faut absolument que vous me présentiez, Thorne. » M. Thorne, homme de principe, ne fut pas absolument satisfait d'avoir parmi ses invités une femme sur laquelle l'honorable John en avait entendu raconter de fortes. Mais que faire? Il résolut, avant la nuit, de mettre sa sœur quelque peu au courant de l'histoire de la dame qu'elle avait accueillie avec tant de plaisir. L'innocence de Miss Thorne, à l'âge qu'elle avait atteint, était sans doute un charme de plus chez elle. Mais l'innocence même peut avoir ses dangers. John dira ce qu'il voudra, continua la comtesse pour excuser son retard. Je suis certaine qu'à midi nous avions franchi la grille du château, n'est-ce pas, Margaretha? Sur ma foi, je n'en sais rien, répondit Lady Margaretha. J'étais à moitié endormie. Ce que je sais, c'est que je me suis habillée avant le point du jour. Les gens habiles, quand ils se sont mis dans leur tort, trouvent des torts à ceux envers qui ils ont manqué. Lady de Courcy était une femme habile. Ayant traité fort légèrement Miss Thorne en se rendant à son invitation avec un retard de 3 heures, elle prit l'offensive et attaqua M. Thorne au sujet de ses routes. Sa fille, non moins habile, s'en prit aux heures matinales des invitations de Miss Thorne. La pauvre Miss Thorne avait affaire à trop forte partie. Elle sentait que ces dames avaient eu à son égard un mauvais procédé, et voici que c'était elle qui leur faisait des excuses. Pour rendre justice à Lady de Courcy, elle les reçut très gracieusement et se laissa conduire à la pelouse suivie du cortège de ses filles. Deux portes-fenêtres du salon étaient ouvertes pour permettre à la comtesse de passer, mais elle vit, à la troisième fenêtre, étendue sur un sofa, une femme qui semblait être entourée d'une petite cour. Sa seigneurie voulut examiner cette femme. Depuis 300 ans au moins, les de Courcy avaient la vue courte. En entrant dans cette famille, Lady de Courcy en avait adopté les manières. Prenant son lorgnon comme son fils venait de le faire, elle se fraya un chemin au milieu des hommes qui se pressaient autour du sofa, adressant un petit signe de tête à ceux à qui elle daignait faire l'honneur de les reconnaître. Arrivée devant le sofa, elle dévisagea la personne qui l'occupait. Celle-ci, en retour, dévisagea la comtesse. La comtesse était habituée, depuis qu'elle avait ce titre, à voir tous les yeux, sauf ceux des princes, des ducs et des marquis, s'abaisser devant les siens. S'arrêtant donc, elle fixa sur la signora son regard le plus hautain. Mais elle avait affaire à une femme que n'intimidait pas une comtesse. Il n'était homme ni femme qui pût déconcerter Madeleine Neroni. Elle ouvrit plus grand que jamais ses beaux yeux brillants. Sa figure semblait être tout en yeux. Elle continua de dévisager la comtesse sans effort et comme avec le plus vif plaisir. Un léger sourire ironique plissait le coin de ses lèvres et ses narines étaient quelque peu dilatées, comme si elle jouissait déjà par anticipation d'un triomphe certain. La comtesse de Courcy, malgré l'ancienneté de son nom, malgré son château de Courcy et la fonction de grand maître des poneys que remplissait son époux auprès du prince de Galles, n'était pas femme à lutter avec elle. Le cercle d'or trembla dans sa main, puis tomba. Ensuite, relevant brusquement la tête, la comtesse se dirigea vers la pelouse d'un pas gauche et mal assuré. Mais sa retraite ne fut pas assez rapide pour qu'elle n'entendît pas la signora dire « Quelle peut bien être cette femme, Monsieur Slope ? C'est la comtesse de Courcy. Ah, je l'avais supposé. La drôle d'affaire. » Lady de Courcy, une fois sur la pelouse, se trouva dans un milieu où elle fut plus à l'aise. Elle y rencontra Mrs. Proudie, et comme Mrs. Proudie était non seulement la femme d'un évêque, mais aussi la cousine d'un comte, Lady de Courcy la considérait comme la compagne la plus convenable qu'elle pût trouver dans toute la réunion. Elles furent enchantées de se voir. Mrs. Proudie était loin de faire fi d'une comtesse, et comme cette comtesse vivait à la campagne, à une distance telle de Barchester que l'échange des visites était encore possible, elle fut heureuse de cette occasion d'entrer dans les bonnes grâces de la haute et puissante dame. « Chère Lady de Courcy, que je suis ravie !» dit-elle de l'air le plus gracieux qu'elle put prendre. « Je ne m'attendais pas à vous voir, ici, si loin de chez vous et au milieu d'une telle foule. »« Et par de semblables routes, Mrs. Proudie, comment les Thorne peuvent-ils circuler là-dessus ?»« Une charmante personne que mes Thorne, n'est-ce pas ? Oh, charmante et si originale. Voici 20 ans que je la connais. J'ai un grand faible pour elle. Quand je la vois, je ne puis m'empêcher de penser aux Indiens et aux Esquimaux. Et sa toilette, n'est-elle pas tout à fait plaisante ? Oh, tout à fait. Je me demande si elle se farde. » « Avez-vous jamais vu un teint semblable ?»« Oh, sans doute, elle se farde, évidemment. »« Mais, Mrs. Proudie, qui est cette femme sur un sofa à la fenêtre ?»« Avancez un peu, vous la verrez. » Et la comtesse conduisit Mrs. Proudie à un endroit d'où celle-ci pouvait voir le visage de la signora qu'elle ne se rappelait que trop. Mais la signora la vit aussi. « Voyez, voyez, » dit celle-ci à M. Slope, debout près d'elle. « Voyez les puissants du siècle et de l'Église ligués contre ma pauvre personne. Je gagerai mon bracelet contre votre prochain sermon qu'elles ont pris la position pour me battre en brèche. Je ne puis marcher au combat, mais je sais comment me défendre si l'ennemi vient à ma portée. » Mais l'ennemi était trop prudent pour cela. Ces dames n'avaient rien à gagner en se rapprochant de la signora et pouvaient au contraire la maltraiter à leur aise de la pelouse où elles étaient. « C'est cette horrible femme italienne, Lady de Courcy. » Vous avez dû entendre parler d'elle. Quelle femme italienne ? Dit sa seigneurie, sentant venir une histoire scandaleuse. Non, je n'ai entendu parler d'aucune femme italienne arrivée dans le pays. Elle n'a d'ailleurs pas le type italien. Oh, vous devez avoir entendu parler d'elle, dit Mrs. Proudie. Elle n'est pas, en effet, absolument italienne. C'est la fille du docteur Stanhope, le chanoine. Elle se donne le nom de la signora Neroni. Ah ! S'écria la comtesse. J'étais sûr que vous aviez entendu parler d'elle, continua Mrs. Proudie. Je ne sais rien de son mari. On dit qu'un personnage du nom de Néroni vit encore. Je crois qu'elle l'a épousé à l'étranger, mais j'ignore quelle espèce d'homme c'était. Ah oui, dit la comtesse, secouant la tête comme si le souvenir lui revenait. Je vois ce que c'est maintenant. J'ai entendu George parler d'elle. Il est au courant de tout cela. C'est en tout cas une femme abominable, dit Mrs. Proudie. Insupportable, dit la comtesse. Elle s'est insinuée une fois dans le palais avant que j'eusse rien appris encore sur son compte, et je ne puis vous dire à quel point sa conduite a été indécente. Vraiment, fit la comtesse ravie. Outrageusement indécente. Mais pourquoi est-elle étendue sur un sofa? Elle n'a qu'une jambe, répondit Mrs. Proudie. Une jambe? Est-elle née ainsi? Oh non, elle en avait deux. Mais le signor Néroni l'a bien battue qu'une amputation a été nécessaire. Pauvre créature, dit la comtesse, qui connaissait elle aussi les épreuves du mariage. Oui, on aurait pitié d'elle, malgré sa conduite passée, si au moins maintenant elle avait une tenue convenable. Mais non, c'est la plus insolente créature que j'ai jamais vue. Certainement. Son attitude vis-à-vis des hommes est si abominable qu'on ne peut décemment l'admettre dans un salon. Vous voyez cet homme qui est debout près d'elle, cet ecclésiastique qui a les cheveux rouges. Oui, oui. Elle l'a absolument perdu. L'évêque, ou plutôt c'est moi que je devrais blâmer, je l'ai amené de Londres à Barchester. C'est un prédicateur passable, un homme actif. Je l'ai présenté à l'évêque. Cette femme a mis la main sur lui et l'a compromis à ce point que je suis forcé d'exiger son départ du palais. Et je crains bien qu'il ne doive cesser d'exercer son ministère. Faut-il que cet homme soit sot ? Dit la comtesse. Vous ne savez pas quelle ville intrigante est cette femme, dit Mrs. Proudie, se souvenant de sa traîne déchirée. Mais vous dites qu'elle n'a qu'une jambe. Elle est aussi pleine de méchanceté que si elle en avait 10. Voyez ses yeux, Lady de Courcy. Avez-vous vu jamais semblables yeux dans la tête d'une honnête femme ? Pour moi, non. Et son effronterie et sa voix. Je plains bien son pauvre père, qui lui est un excellent homme. Le docteur Stanhope, n'est-ce pas ? Oui, le docteur Stanhope. C'est l'un de nos chanoines, un homme tranquille. Mais je suis étonné qu'il laisse sa fille se conduire comme elle le fait. Sans doute il ne peut l'en empêcher. Mais un prêtre, y songez-vous, Lady de Courcy ? Il pourrait tout au moins lui refuser ses exhibitions publiques s'il ne peut l'amener à se tenir chez elle. Néanmoins, il mérite qu'on le plaigne. Je crois qu'il est bien malheureux avec ses enfants. Ce jeune homme dont l'extérieur est si singulier, qui a une longue barbe et un pantalon si démesurément large, c'est le frère de cette femme. Il ne vaut guère mieux qu'elle. Ils sont tous deux sans religion. Sans religion ? Et leur père est chanoine ? Oui. Et il sera vraisemblablement nommé doyen. Ah oui, ce pauvre docteur Trefoil, dit la comtesse, qui lui avait parlé une fois dans sa vie. J'ai été si affligé d'apprendre sa maladie, Mrs. Proudie. Ainsi, c'est le docteur Stanhope qui aura sans doute sa succession. Il est d'une excellente famille, et je lui souhaite de réussir malgré sa fille. Peut-être, Mrs. Proudie, quand il sera doyen, verra-t-il mieux l'inconvenance de leur conduite. Mrs. Proudie ne répondit pas. Son aversion pour la signora était trop profonde pour qu'elle pût croire à une réforme de sa conduite. Mrs. Proudie la considérait comme perdue sans retour, et se livrait au plaisir de la haïr, sans avoir à former le souhait, inutile selon elle, que la brebis égarée revînt dans la bonne voie. L'arrivée de M. Thorne interrompit la conversation entre ces deux âmes si bien faites pour se comprendre. Il venait pour conduire la comtesse à la tente. Il y avait une dizaine de minutes déjà qu'il voulait le faire, mais il avait été retardé par la signora. Elle avait fait tous ses efforts pour le retenir, pour l'attirer près de son sofa, et enfin pour le faire asseoir sur une chaise tout près de son bras si admirablement fait. Le poisson avala l'amorce, fut pris à l'hameçon et tiré à terre. En 10 minutes, il avait entendu toute l'histoire de la signora, avec les entorses qu'elle jugea à propos de donner à la vérité. Il découvrit que la belle créature qu'il avait devant lui avait été non une pécheresse, mais une victime de la malignité du monde, qu'elle avait été faible, confiante, trompée et calomniée. Elle lui avait parlé de son corps mutilé, de sa jeunesse détruite dans sa fleur, de sa vie perdue, de ses espérances flétries. Et tandis qu'elle parlait, une larme coulait sur sa joue. Enfin, elle lui avait demandé sa sympathie. Que pouvait faire l'excellent Monsieur Thorn? Sinon donner cette sympathie qu'on lui demandait. Il le promit en effet. Il promit aussi d'aller voir le dernier des Nérons, d'aller entendre parler avec plus de détails de ces molles et dangereuses journées qui s'écoulaient si plaisantes et si rapides sur les bords du lac de Côme, enfin d'être le confident des peines de la signora. Nous n'avons pas besoin de dire qu'il rejeta bien loin l'idée de prévenir sa sœur contre sa nouvelle amie. Il s'était trompé. Jamais de sa vie il n'avait commis si grosse erreur. Il avait toujours regardé l'honorable George comme une âme grossière et brutale. Il ne s'était pas trompé dans son jugement. C'était des hommes de cette espèce qui compromettaient et ruinaient la réputation de femmes comme Madeleine Neroni. Il irait la voir chez elle, et s'il trouvait en elle, comme il en était certain, une femme de sentiments généreux, de nobles aspirations, il amènerait sa sœur Monica à l'inviter à Iola Thorn. « Non, » lui dit-elle, au moment où, sur ses instances, il se levait pour la quitter, déclarant qu'il pourvoirait lui-même à tous ses besoins. « Non, non, mon ami, je vous le défends positivement. »« Quoi, dans votre propre maison, au milieu d'un si grand nombre d'invités ?» Voulez-vous donc me rendre l'objet de la haine jalouse des femmes et de l'impertinente curiosité des hommes? Je vous défends de revenir près de moi aujourd'hui. Venez me voir chez moi. Chez moi seulement, je puis parler avec liberté. Chez moi, je vis réellement, et je jouis sans contrainte de mes amis. Il est bien rare que je sorte. Venez donc me voir chez moi, Monsieur Thorn. Là, je ne vous demanderai pas de me quitter. » Le quinquagénaire, Monsieur Thorn, était bel et bien fou d'amour pour la signora Madeleine Weather-Neroni, née Stanhope. Néanmoins, il était assez maître de lui-même pour offrir, avec toute la courtoisie voulue, son bras à la comtesse de Courcy, qui, de la meilleure grâce du monde, se laissa conduire à la tente. Les choses avaient été ainsi réglées par Miss Thorn, qui avait décidé l'évêque à conduire la vieille Lady Knowle à la place d'honneur de la table de la salle à manger. L'un des baronnets fut envoyé à la recherche de Mrs. Proudie, qu'il trouva sur la pelouse d'assez mauvaise humeur. M. Thorn et la comtesse l'avaient quitté trop brusquement. En vain, elle avait cherché des yeux quelque ecclésiastique, quelque vicaire égaré. Tous tiraient de l'arc avec les demoiselles ou s'occupaient à leur trouver des places dans quelque coin retiré de la tente. En pareille circonstance, Mrs. Proudie recourait autrefois à M. Slope. Mais M. Slope, en ce moment, brillait par son absence. Elle eut, en considérant son isolement, un mouvement de tête qui signifiait ceci. « Monsieur Slope, vous aurez 8 jours de moins à passer encore à Barchester. » Enfin, Sir Harkaway Gorse la tira de sa situation malheureuse, mais la condamnation du coupable chaplain n'en demeura pas moins irrévocable. On se mit alors à manger et à boire sérieusement. Le docteur Grantly avait vu avec horreur Mrs. Clinton Tram faire main basse sur lui. Mrs. Clinton Tram avait pour l'archidiacre une grande considération qui ne lui était en aucune façon retournée. Et quand cette dame lui dit à l'oreille « Allons, archidiacre, vous ne voudriez pas, j'en suis certaine, refuser votre bras à une vieille amie. » Puis se mit à lui commencer l'histoire de sa roquelaure. Il résolut de se débarrasser d'elle avant un quart d'heure. Mais il ne réussit pas, et Mrs. Clinton Tram ne le lâcha pas avant la fin du repas. Le docteur Gwynne conduisit la femme d'un baronnet, et un baronnet conduisit Mrs. Grantly. Charlotte Stanhope s'attacha à M. Harding afin d'assurer Mrs. Ball d'Aberty, qui en effet prit place près d'elle dans la salle à manger. À dire vrai, maintenant qu'il lui fallait faire une cour sérieuse, il sentait le cœur lui manquer. Eleanor s'était empressée de prendre son bras en apercevant M. Slope qui arrivait pour lui offrir le sien. Charlotte l'avait vu et triomphait déjà. Bertie sentait une préférence et reprenait courage. M. Slope était rouge de dépit et de jalousie. Eleanor et Bertie prirent donc place à la table de la salle à manger, Bertie à la gauche d'Eleanor. Mais quand celle-ci s'assit, elle vit M. Slope installé à sa droite. Tandis que ces petits manèges avaient lieu dans la salle à manger, M. Arabin, seul près du sofa de la signora, était sous le charme de l'enchanteresse. Par la porte ouverte, Eleanor, de sa chaise, ne perdait rien de ce spectacle.